On vous remercie d'être présent aujourd'hui pour cette 14e journée de grève intersyndicale et interprofessionnelle qui dure depuis déjà 5 mois. Ils n'ont pas réussi à enrayer le mouvement. Nous sommes toujours là et on est prêts à rien lâcher. Pour information, aujourd'hui, en début de cortège, on a subi une attaque. Des camarades ont été embarqués de manière complètement injuste. La répression avait commencé avant même que nous repartions en manifestation. Et ça, c'est scandaleux. Le pouvoir veut nous faire taire. Il est dégoûté. Dégoûté qu'on soit encore unis. Dégoûté qu'on soit encore soudés. Il y a une chose qu'il faut pas lâcher, c'est le tous ensemble. Alors on va chanter. Tous ensemble, ouais, ouais. Tous ensemble, ouais. Tous ensemble, ouais. Ouais. Tous ensemble, ouais. Ouais. Tous ensemble, ouais. Ouais. Tous ensemble. On va commencer les prises de parole, mais juste avant, je tiens à rappeler que bon nombre de secteurs aujourd'hui encore sont en grève afin de participer au blocage de l'économie. C'est le cas notamment de nos camarades de la petite enfance qui mènent un mouvement depuis plusieurs mois afin de pouvoir garder les gamins dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, elles sont là et on peut les applaudir. On va commencer les prises de parole. Je donne tout de suite la parole à Mireille Caron pour la CGT. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, comme vient de le dire Aurélien, on a perdu un peu de monde en route parce qu'on est parti un peu tard et nous condamnons vivement la CGT mais aussi les autres organisations syndicales ce qui s'est passé ce matin où la police a arrêté, contrôlé et embarqué 4 jeunes camarades militants qui venaient rejoindre notre cortège. C'est inadmissible. C'est inadmissible et nous dénonçons ces provocations policières parce que, comme on nous le dit bien souvent, la violence, c'est bien de là qu'elle vient, de l'État, de la police, et nous ne manquerons pas, bien évidemment, de dénoncer une fois de plus ce qui s'est passé ce matin pour faire taire la contestation, pour faire taire la jeunesse. Mais la jeunesse est toujours là et elle ne se taira pas. Et on est avec, on est ensemble. Jeunes, actifs, retraités, on est unis et on le restera. Alors oui, une nouvelle fois aujourd'hui, l'intersyndicale a appelé les travailleuses, les travailleurs, les jeunes, les retraités à se mobiliser sur l'ensemble du territoire pour gagner encore et toujours le retrait de la réforme des retraites. Nous avons ces derniers jours, une nouvelle fois, interpellé les députés. En les appelant à voter, jeudi 8, la proposition de loi transpartisane qui a été déposée par le groupe Liotte à l'Assemblée. Une proposition de loi qui abrogerait la réforme des retraites et qui permettrait enfin une sortie de crise. Mais dans une énième tentative de bâillonner la démocratie, Macron et son gouvernement, en minorité sociale et aussi parlementaire, voudrait une nouvelle fois empêcher les députés de voter cette réforme. Pour cela, ils multiplient les manœuvres politiques en utilisant de façon inédite, comme ils l'ont fait depuis le début des débats parlementaires, tous les instruments constitutionnels. Après l'article 47.1, pour limiter le temps des débats, ils ont utilisé le 49.3 pour passer en force. Et après avoir fait supprimer l'article 1 de la proposition de loi Liotte visant à abroger le report de l'âge légal à 64 ans, en commission des affaires sociales, ils veulent maintenant empêcher une nouvelle fois les députés de le rétablir en séance plénière en menaçant l'article 40 de la Constitution, un nouvel artifice sous prétexte que cette réforme impacterait les finances publiques. Mais c'est faux et nous le savons bien. Alors la CGT et l'intersyndicale le répètent. Il serait grave que la présidente de l'Assemblée et que le gouvernement empêchent une nouvelle fois le Parlement de s'exprimer. Et si le gouvernement s'obstinait à passer encore une fois en force, eh bien la colère ne ferait que se renforcer. Alors la CGT appelle solennellement à cesser ses agissements et à laisser l'Assemblée nationale délibérer et voter sereinement. Et nous continuerons à porter les revendications légitimes des travailleuses et travailleurs, des retraités, des privés d'emploi, avec notamment le retour à la retraite à 60 ans à taux plein, avant pour les métiers pénibles, mais aussi le maintien et le renforcement des régimes pionniers, dits régimes spéciaux. Sur les retraites, mais aussi les salaires, les pensions, l'emploi, les services publics et la sécu, la CGT sera toujours aux côtés des travailleuses et des travailleurs qui luttent et qui résistent pour exiger une plus juste répartition des richesses. Le gouvernement a présenté le 10 janvier son projet de réforme des retraites prévoyant le report de l'âge légal au départ à 64 ans. Pour la CFDT, 64 ans, c'est toujours non, ça a toujours été non. Depuis le 10 janvier, ce sont des millions de personnes qui se sont mobilisées lors de 13 journées historiques et d'actions diverses pour manifester leur refus à la réforme des retraites. Si dès le début, la CFDT a participé à la concertation de cette réforme pour pousser ses arguments et ses revendications, elle n'a jamais été dupe et a toujours tenu sa position et affirmé son opposition à toute mesure de report de l'âge légal de départ en retraite. Face à l'entêtement du gouvernement, le projet de loi qui sera débattu le 8 juin à l'Assemblée nationale est une réelle opportunité de voir les 64 ans retirés. Nous sommes à nouveau ici, aujourd'hui, en intersyndicale, afin de rappeler l'opposition des Français et des Françaises à cette mesure injuste et exprimer le soutien au projet de loi qui sera débattu ce 8 juin. Cette réforme doit être retirée. Soyons nombreux pour dire aux parlementaires de voter pour ce projet de loi le 8 juin. La CFTC et l'intersyndicale aimeraient rappeler que les femmes seront les laissées pour compte par cette réforme des retraites. Ce n'est pas un discours féministe qui est tenu. C'est un constat qui en dépasse les frontières. Beaucoup d'entre nous n'auront pas assez cotisé du fait des carrières en accordéon, que ce soit pour nous être occupés de nos enfants, ou parce que l'activité salariée n'aura pas été à temps plein, ou parce que l'entrée sur le marché du travail se fait aujourd'hui plus tard qu'auparavant. Beaucoup d'entre nous devront bosser jusqu'à 67 ans pour espérer obtenir une meilleure pension ou éviter ainsi la décote. Mais quelle est la crédibilité, à 64, voire pire, 67 ans, d'être devant des élèves? Peut-on encore, à ces âges, continuer à porter des charges lourdes? Peut-on aussi, par exemple, s'occuper et prendre soin dignement de nos aînés en EHPAD? Sans surprise, c'est non. C'est non parce que l'efficacité n'y est plus. C'est non parce que la force n'y est plus. La pension mensuelle de 5,7 millions de Français s'élève à moins de 1 000 euros. Et dans ces 5,7 millions, 75% sont des femmes. Cela signifie 4,2 millions de femmes qui vivent avec presque rien. On nous a initialement annoncé une retraite minimum à 1 200 euros pour tous. Mais qui pourra en bénéficier? Car il faut après tout une carrière complète, avec tous les trimestres cotisés et à temps plein. C'est donc un leurre. Beaucoup d'entre nous n'y auront pas droit. Pourtant, le gouvernement indique qu'il avait été clair et que c'est nous qui l'avons mal compris. Peut-être sommes-nous de nouveau insultés, comme M. Macron l'a ouvertement fait le 17 septembre 2014 lorsqu'il traitait les femmes salariées de garde d'illettrés. Nous, pauvres gauloises réfractaires de femmes que nous sommes, pour reprendre aussi les termes utilisés par le président, disons tout simplement merci. Merci, monsieur le président. Merci pour la précarisation. Merci pour le mépris et merci pour l'indifférence. N'oubliez cependant pas, Monsieur le Président, qu'il y a toujours un rendez-vous entre la politique et les Français. Alors quand c'est non, c'est non. Avec l'intersyndicale, Force ouvrière rappelle que cette réforme est brutale et injuste pour les travailleurs, les travailleuses et la jeunesse qui ont tous et toutes bien compris qu'ils et elles devront travailler plus longtemps sans que jamais le patronat ni les employeurs publics ne soient mis à contribution. Il est clair que si nous voulons sortir de cette impasse politique de régression sociale, le gouvernement doit convoquer tous les acteurs syndicaux et patronaux pour négocier et travailler des solutions équitables. Quand les salaires ne sont pas au rendez-vous, quand la jeunesse a faim, quand les personnes âgées sont abandonnées, le retrait de cette réforme est indispensable. On ne gouverne pas très longtemps avec une matraque, une chaîne d'infos à sa botte et une distribution d'actions éthiques. Nous avons montré que notre intersyndicale reste déterminée à obtenir l'abolition de la loi de la retraite des morts, mais aussi, et bien au-delà, de tout ce qu'elle révèle de la destruction de notre modèle social. Exactement. Il faut continuer, mes camarades, à convaincre partout sur le bien fondé de notre action. Bravo ! L'intersyndicale rappelle que le salaire relève du partage des richesses. L'augmentation des salaires, des retraites et des pensions, des minima sociaux et des bourses d'études est une priorité. Le SMIC doit demeurer un salaire d'embauche et ne peut pas être une trappe à bas salaire. Maintenant, les salariés sont au SMIC toute leur carrière professionnelle. L'État doit aussi montrer l'exemple en augmentant le point d'indice dans la fonction publique. Aucune branche professionnelle ne doit avoir des minima inférieurs au SMIC. Aucune pension pour une carrière complète ne doit être en dessous du SMIC. L'égalité salariale femmes-hommes doit être une réalité concrète sans délai. Dans le contexte de très forte inflation que subit notre pays depuis de longs mois, les fédérations syndicales de la fonction publique soulignent également l'urgence et la nécessité que soient mises en œuvre des mesures significatives d'augmentation générale de la rémunération des agents publics. La revalorisation de 3,5% du point d'indice le 1er juillet 2022 reste insuffisante. Le pouvoir d'achat continue de se dégrader. Pour reconnaître l'engagement quotidien des personnels, faire progresser l'égalité professionnelle, préserver le pouvoir d'achat de toutes et tous, titulaires comme contractuels, la FSU revendique sans délai de nouvelles mesures générales, dont l'augmentation de la valeur du point d'indice. Alors que depuis plus de 6 mois, 9 Français sur 10 refusent toujours cette réforme, le gouvernement montre du doigt ce Français qui refuserait de travailler alors que les autres Européens sueraient sang et eau pour le bien de leur pays. Mais la vérité des chiffres est implacable. En Allemagne, en Italie, en Grèce, l'âge légal de retraite sans décote est à 67 ans, comme en France. Mais en Allemagne, l'assuré peut partir à 63 ans, certes avec des cotes, mais avec 35 annuités. 1200 euros par mois. En Italie, c'est à 62 ans avec 42 ans de cotisation, sans décote. Et vous rendez compte ? En Grèce, c'est 62 ans avec 40 annuités. Les Français sont outrés par les mensonges de ce gouvernement. C'est la première ministre qui annonce en janvier 200 000 femmes qui verraient leur pension augmenter, pour qu'en mars, son gouvernement rectifie à moins de 10 000 d'entre elles. Avec la fin des régimes particuliers, on allait voir de quoi était capable ce gouvernement. La réforme n'effleure même pas le plus avantageux d'entre eux, celui des sénateurs qui doublent leurs droits chaque année. Mais celui des clercs de notaire, oui. Nous avons tous à l'esprit la mascarade juridico-constitutionnelle des 49.3, 47.1 et autres 40. C'est donc cela que propose ce président et son gouvernement pour pourvoir au rayonnement de la France. Alors non, nous ne voulons pas de cette loi inique, d'un autre âge, sans vision sociale. Notre détermination est intacte, malgré le passage en force de l'exécutif, mais qu'il ne compte pas que nous passions à autre chose. Cette mobilisation résolue, notre détermination est en retour. le mépris du président et du gouvernement ne seront pas balayés d'un revers de main. L'été ne nous fera rien oublier. Nous n'oublierons pas ces millions de personnes dans les rues, ces mois d'intense travail de conviction pour faire la démonstration d'une réforme injuste et pénalisante du gouvernement. Nous n'oublierons pas non plus que pour la première fois depuis très longtemps, les organisations syndicales ont pu maintenir un front uni. Cette intersyndicale au grand complet a permis l'expression du plus grand nombre et la mobilisation de toutes et tous. Oui, nous ne sommes pas identiques et nous avons pu nous rassembler quand les intérêts des travailleurs et des travailleuses le commandaient. Divisés, on est sûr de perdre. On doit rester unis. C'est d'ailleurs ce qui dérange le gouvernement qui a cherché à plusieurs reprises à diviser les organisations syndicales entre elles ou à nous provoquer. Dernière provocation en date, les premiers décrets de mise en application de la réforme ont été publiés hier. À deux jours de notre journée de mobilisation, un geste de mépris supplémentaire. Il se murmure très très fort que la présidente de l'Assemblée nationale opposera un article de la Constitution, l'article 40, pour déclarer anticonstitutionnel le test abrogeant les 64 ans. On va finir par les spécialistes de la Constitution, ou pour être plus précis, de tous les artistes qui permettent de faire taire la voix des députés. Cette réforme est minoritaire dans la société, et elle l'est sûrement aussi au Parlement. Pas sûr qu'on veuille le vérifier jeudi prochain, mais si le vote a lieu, les députés doivent tenir compte de la volonté des salariés réaffirmée depuis 6 mois, non à la retraite à 64 ans. Car pour nous, cette réforme, c'est toujours non. À l'heure où Macron et ses gouvernements font le jeu de l'extrême droite institutionnelle, l'extrême droite institutionnelle attend tapis dans l'ombre, tout en montrant bien son caractère antisocial au Parlement. En parallèle, les groupuscules ultra-violents pullulent et agissent, la plupart du temps en toute impunité, voire avec la complicité du pouvoir et de la justice. Pensons aujourd'hui qu'hier cela faisait 10 ans que notre camarade Clément Méric a été assassiné par l'extrême droite et que demain, le rugbyman Haroun Boronro a été assassiné par une balle en plein dos en plein Paris. Dans ce contexte, que fait le gouvernement Macron? Il criminalise et réprime tous les mouvements sociaux et les militants et les militantes, nous avons pu le voir ce matin. Il est important de rappeler que c'est l'extrême droite et ses idées qui violentent, blessent et tuent partout en France et dans le monde, hier comme aujourd'hui. Pour défendre nos retraites, nos salaires et les conditions de travail, c'est pour cela que c'est aussi important de défendre la démocratie. L'urgence aujourd'hui, c'est la hausse des salaires, des pensions, des minima sociaux, l'accès aux besoins sociaux et aux biens communs pour toutes et tous, l'énergie, l'éducation, la santé, le logement, la culture et les transports, et aussi, ne l'oublions pas, l'écologie et le climat. Le droit des étrangères et des étrangers est défendre la paix contre les impérialismes, les guerres et les profiteurs. Notre mouvement est profond et il n'y a pas d'apaisement possible face à tant d'injustices sociales. Moi aussi, je suis d'accord. Ensemble, les organisations syndicales, professionnelles et de jeunesse rappellent leurs oppositions à toute atteinte au principe de solidarité nationale. La réforme du RSA, ainsi que la dégressivité des allocations chômage qui conduisent à stigmatiser les précaires et les privés d'emploi, ainsi que la réforme et la création de France Travail. Ces propositions renforceraient l'équilibre financier du système de retraite par répartition, préservant et renforçant notre système de protection sociale collective. Nous ne tournerons pas la page. Ensemble, unis et déterminés, pour gagner le retrait de la réforme et pour le progrès social, construisons partout les grèves et les manifestations, et nous soutiendrons toutes les formes d'action à cette fin. On a rendez-vous le 8. Et rendez-vous le 8. Et nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain, 18h, 8 juin, ici, quelle que soit la décision, pour continuer de manifester notre opposition à la réforme des retraites et au coup d'État social. Avant de conclure, les camarades, je donne la parole à des responsables de la JC. Bonjour à tous et toutes. Non, c'est pour la jeunesse communiste de la Loire. Avant de venir à la manifestation, je pense que beaucoup de gens ici se demandaient si c'était encore la peine de venir, si c'était encore la peine de poser des jours de grève, si c'était encore la peine de continuer le combat. Et aujourd'hui, c'est la préfecture Saint-Étienne qui nous donne raison, qui nous le dit, qui nous l'affirme. Ils ont peur de nous, les camarades. Ils ont la pétanche en face. La secrétaire générale de la CGT, Union départementale de la Loire, vous a expliqué ce qui s'est passé tout à l'heure. On va pas forcément revenir plus en détail là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui leur a fait peur aujourd'hui, les camarades. Ce sont des fumigènes et des torches. Soit ce qu'on leur a craqué depuis le début du mouvement. C'est pas la première fois qu'on sait que les préfectures ont peur des fumigènes et des torches. On est habitué depuis longtemps dans les stades à voir cette pétoche-là. Mais dans les manifestations, c'est encore du jamais vu, c'est encore de l'inédit. Au-delà de ça, trêve de plaisanter sur le sujet, parce que malgré tout, les camarades, on aimerait attirer votre attention là-dessus. Il faut pas minimiser ce qui s'est passé ce matin. Ce qui s'est passé ce matin là-bas au cours Fauriel, en réalité, c'est de l'intimidation sur les manifestations. C'est de la privation de liberté de manifester. C'est une pression de plus qu'ils nous mettent dessus pour nous empêcher d'exprimer notre opposition à la réforme des retraites. C'est clairement une énième dérive autoritaire de la part de ce gouvernement qui, après avoir obligé les mairies de France à afficher son portrait dans toutes les mairies, maintenant commence à trembler face aux fumigènes. On est obligé de faire des rassemblements pour faire libérer les camarades, mais on est où là? Est-ce qu'on est vraiment en France au 21e siècle? Parce qu'il faut pas le minimiser, les camarades, on a fait le choix là, sans forcément se concerter avec tout le monde, d'appeler vendredi prochain, pas ce vendredi de cette semaine, celui d'après, un rassemblement pour la liberté de manifester, place Jean Jaurès à 20h. On vous donne tous rendez-vous à y être présents, en force et en nombre. Parce que c'est pas le moment de céder, c'est le moment d'affirmer qu'on ne lâchera jamais rien jusqu'au retrait. N'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux les différentes pages des organisations de jeunesse qui vous tiendront au courant de ces différentes initiatives. Et pour le moment, je vous laisse en présence du craquage des quelques torches qu'on a quand même réussi à sauver aujourd'hui. Bonne journée, bonne fin de manifestation, merci beaucoup. Merci camarades. Comme vous l'avez entendu, la bataille n'est pas terminée. La solidarité vit encore. Tant qu'on est dans la rue, on est vivant. Dans deux jours, ici même, à 18h, on vous donne rendez-vous le jour du vote de la loi. Quel que soit le résultat de ce vote, on sera présent jeudi à 18h ici et on va se faire entendre. Et on ira jusqu'au retrait. Et on ira jusqu'au retrait. Allez, camarades, plus fort. Et on ira jusqu'au retrait. Merci à toutes et tous. On va vous libérer, laissez aller partager. Un pot fraternel aux buvettes. Et on se retrouve ici dans deux jours.